Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, 20e épisode. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 22 janvier 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es gros lapsus, tu es complexe d'Oedipe, tu es vautré sur un divan, tu es subconscient, tu es balai masque et tu es aussi... Et Freud, bien. Encore un grand pessimiste. Oh la vache, j'ai été en analyse pendant des années, il s'est rien passé. Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin tu es psy, tu es psychanalyse. En France aujourd'hui, 4 millions de personnes consultent un psy, ce qui représente une augmentation de 62% des patients en 15 ans. C'est énorme et la sphère politique s'en est inquiétée, parce qu'en général, elle n'apprécie guère qu'un individu se pose trop de questions sur sa propre condition humaine. Du coup, depuis quelques mois, notre gouvernement entend réglementer l'usage du titre de psychothérapeute, ce qui a déclenché une virulente polémique sur la planète des psychanalystes. Alors, nous nous sommes demandé au Mangin Palace ce que recouvrait exactement cette pratique de la psychanalyse. Eh bien, dans l'heure qui vient, nous allons donc tenter de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la psychanalyse. Pour commencer, il faut te raconter comment a évolué cette pratique si particulière. Ensuite, il faudra tenter de détailler quelles sont les principales névroses qui te conduisent à consulter un psychanalyste. On enchaînera sur une interview exclusive d'Henri Chapier, qui viendra nous parler, souviens-toi, de sa célèbre émission télé, Le Divan. Puis, nous nous sommes intéressés à ton sommeil et à l'interprétation de tes rêves. Et enfin, te raconter pourquoi et comment Monique s'est rendue cette semaine chez un psychanalyste. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et libère tes pulsions. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoe. Blue Suede Shoes, chante Elvis Presley en 1956. Blue Suede Shoes, des chaussures en daim bleu, sans doute un objet fétiche du King qui aurait beaucoup plu à un psychanalyste. Alors, pour commencer notre exploration de l'univers des psys, il est important de te donner quelques précisions. Le psychiatre, tout d'abord, c'est celui qui s'occupe des cas lourds. Il est médecin et peut donc prescrire des médicaments. Ensuite, le psychologue, lui, il a un diplôme de psychologie et a pour rôle d'orienter et de conseiller. Le psychothérapeute, c'est encore différent, ce titre n'est pas réglementé en France et tout le monde peut se dire psychothérapeute, un vaste fourre-tout, quoi. La plupart du temps, c'est un ami qui nous conseille son propre psychothérapeute. Viens, change de docteur, viens. Déchirer la nuit qui coule au fond de soi, c'est le boulot de ceux qui nous intéressent réellement ce matin, c'est-à-dire les psychanalystes. Les psychanalystes sont environ 5000 en France et leur formation, c'est principalement d'avoir fait eux-mêmes une psychanalyse. Ils sont réunis en école et ont pour ancêtre commun Sigmund Freud. Freud est en effet considéré comme le père de la psychanalyse. Né en Moravie en 1856, Freud devient médecin à Vienne à 25 ans et se spécialise en psychiatrie. C'est à Paris, en 1885, lors d'un stage sur l'hystérie à la Salpêtrière, auprès de Jean Charcot, que Freud développe ses premières théories. Freud est alors à la recherche de nouvelles méthodes pour soigner ses patients malades de l'esprit. En 1900, Freud publie « L'interprétation des rêves », puis en 1905, trois essais sur la théorie de la sexualité. La psychanalyse est née et bouleverse l'ensemble de la société. Cette recherche des malaises présents dans notre temps perdu se retrouve jusque dans la chambre de tante Léonie. Une petite Madeleine chez Marcel Proust et toc, t'es bon pour une introspection. J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisse t'embrasser sur la joue. Après la Première Guerre mondiale, la psychanalyse est sujette à débat. En 1914, Freud écrivait « J'ai lu une douzaine de fois que la psychanalyse était à présent morte ». Freud avait donc bien compris que ses théories dérangeaient. Ainsi, quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, ses livres sont brûlés. Puis, suite à l'Anschluss, en 1938, Freud est obligé de quitter Vienne et de s'exiler à Londres. Il y traite quelques patients issus d'une élite sociale, des patients qui ont accès à la psychanalyse et qui ont conscience du mieux-être qu'elle peut apporter. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en un mot. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout. Cependant, au milieu du XXe siècle, la psychanalyse se rencontre surtout dans les milieux aisés. C'est la grande période où se construit l'image stéréotypée du psychanalyste. Un type un peu fêlé qui, sans dire un mot, fait parler des gens allongés sur un divan et qui prend très cher de la séance. Mettez-vous à votre aise, nous allons commencer. Les femmes ont toujours posé un problème pour moi, docteur Fassbender. Est-ce que vous m'écoutez ? Oui, allez-y, allez-y. La première femme qui m'est inspirée fut ma maîtresse d'école, mademoiselle Marx. Et qu'en est-il advenu ? Elle a dû quitter l'école et j'ai redoublé une année. Ma seconde expérience avec une femme fut dramatique, elle aussi. Ça se passait au collège. Et qu'aviez-vous fait ? Eh bien, je manquais d'expérience dans ce domaine. Les femmes ont toujours triomphé de ma timidité naturelle. Mais vous aviez une vie sexuelle très normale quand vous étiez étudiant. Normale ? Effrayante, oui. Je crois que chez vous, le sexe est un sport. J'adore le... l'émoi que me cause un parfum, l'excitation de la chasse, le moment de la conquête. Écoutez, je pourrais faire un mardi prochain, j'ai écouté Phil Adonella. Mais je n'ai pas fini, je ne suis là que depuis un quart d'heure. Je ne peux pas prendre plus de 15 minutes de votre vie sexuelle à la fois. Écoutez, venez donc à une de mes séances de psychanalyse collective. Je pense que la présence de plusieurs personnes pourrait nous faciliter la tâche à tous les deux. À notre prochaine séance, amenez-moi donc son front. Oui, monsieur. Alors voilà, l'image du psy et de son divan se mettent peu à peu en place dans l'imaginaire collectif. Ce stéréotype va être violemment bousculé en 1976. Cette année-là, Françoise Dolto crée sur France Inter l'émission intitulée « Lorsque l'enfant paraît ». Des millions d'auditeurs entendent des conseils et des analyses jusqu'alors ignorés par les médias. Des propos qui restent encore aujourd'hui très pertinents. Françoise Dolto, bonjour. Bonjour Jacques Pradel. Je crois que dans ce courrier que vous avez lu, les parents s'interrogent. Et bon, le fait de se masturber pour l'enfant est normal. Donc j'ai retenu que entre 3 ans et 5 ans à peu près, ce que vous disiez il y a quelques secondes, oui. C'est à peu près, c'est une étape normale. Normale et saine, et ça serait inquiétant s'il ne se masturbait pas. D'ailleurs, vous savez que nous avions parlé du suçage de pouce à 3 mois. Mais le suçage de pouce est une masturbation de la zone érogène orale, et cette masturbation qu'elle décrit avec orgasme, car les bébés et les enfants ont des orgasmes, ce que les adultes ne savent pas. Tous les enfants le font, et il faut aussi qu'ils sachent que ce n'est pas coupable. Françoise Dolto a révolutionné la compréhension et l'éducation des enfants. L'émission « Lorsque l'enfant paraît » sur France Inter a eu un écho très important dans une France qui semble de plus en plus névrosée. Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes dans le monde entier, ces médicaments devenant pour beaucoup un complément alimentaire destiné à calmer leur psychose. Psychopsychose par-ci, psychopsychose par-là, et la psychose en vrai qui a la peine ou en retard. La psychose est partout, la psychose est en nous qui nous obsède de tous côtés par tous les mots. On ne peut plus discuter, on ne peut plus converser sans que par la psychose on soit intoxiqué. Son doigt se mentant en douceur, se glissant au cœur, comme dans la session à drôle, ma soeur. Évidemment, vous nous direz que la psychose n'est que le reflet de notre époque qui n'est pas rose. Et c'est le récent pour abdiquer, se laisser influencer par des fantasmes, par des ventes danser. Non. Nous serions trop commandés à ces pessimistes de méditer la forte parole du psalmiste qui vont faire abuser, mais que dans toute société, rien ne se produit tant que rien n'est arrivé. Les Français sont donc les champions du monde de la consommation de psychotropes. Mais alors que la cure analytique est partout en recul, les Français, eux, restent de fervents partisans de la psychanalyse traditionnelle dans la lignée de Freud, Lacan ou Dolto. D'ailleurs, la psychanalyse est un secteur dynamique et lucratif de l'édition et les psys sont devenus des intervenants a priori incontournables pour les médias qui les utilisent à tour de bras et parfois, ça devient n'importe nawak. Cyclothymique. Cyclothymique. Ça a à voir avec la bicyclette ? C'est pas du vélo. Être un jour comme ci, un jour comme ça. Quoi, un jour femme et enfant ? Non. Hein? Un jour up, un jour down. Est-ce que vous êtes cyclo ? C'est-à-dire up and down, bipolar, you mean ? Voilà. Bipolar, on a tous des up and down. Mm. Mais il ne faut pas faire attention à ces choses-là, parce que si on fait attention à ces mots, on devient esclave des mots, on devient esclave des médicaments. Ouais. Alors tous ces, gros groupes pharmaceutiques, ils font des billions de dollars. Donc on est tous normal. On a des jours, où c'est haut et bas. Voilà. Comme il y a le soleil, il y a la pluie. Alors il y a des jours où on est de mauvaise humeur. Il y a des jours où on est de mauvaise humeur, il y a des jours où on est de bonne humeur. Parfois, l'analyse des méandres de l'esprit se résume à des vérités toutes simples. Alors voilà, d'après Freud, il y a eu 3 grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité. La première avec Galilée, l'homme n'est plus au centre de l'univers. La deuxième avec Darwin, l'homme n'est plus qu'un animal. Et la troisième avec lui, Freud. Et oui, avec la psychanalyse, les bonnes vieilles certitudes sont bousculées. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être ou noir, ou blanc, ou jaune, ou rouge, eh bien, ce n'est pas tout. Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc, ou noir, ou jaune, ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous azous comme nous, car le azou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements à des Dizzy You Daddy Do. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Et les zazous, et les zazous, y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur genre d'avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazou, elle est zazou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon cher, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société devant payer sa dette, devant la guillotine Jajan il dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Zazou on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera quand sous la douche on chantera comme ça. Voilà tout de suite. Il y a des Zazous, c'est ce que constatent avec lucidité en 2001 Brigitte Fontaine et Mathieu Chédid sur un album intitulé Kékéland, sans doute un royaume où tu te contrefous du regard que les autres portent sur toi. Alors, pour continuer notre exploration, après avoir survolé l'histoire de la psychanalyse, il est temps maintenant de décrire quelles sont les principales névroses pour lesquelles tu peux être amené à consulter un psy. Pour Sigmund Freud, les névroses représentent une expression de l'inconscient. Selon lui, le véritable moteur des névroses, c'est l'angoisse. Une névrose, c'est un trouble psychique de la personnalité dont la gravité est mineure. En général, l'individu névrosé a parfaitement conscience du mal qui le frappe. Et parfois, pour aller mieux, il suffit simplement de suivre les conseils bienveillants de quelques amis. Sur les conseils de mes amis, j'ai pris un rencard chez un psy. Il y a dû y avoir un blême lors du transfert. Je suis tombé complètement love de ma cafetière. C'est normal. Ma petite dépression se porte bien. À coup de cacheton, je l'entretiens. Je soigne mon stress et tous mes complexes avec du sopalin et du Kleenex. Dans la plupart des cas, les névroses sont liées à des traumatismes psychologiques plus ou moins anciens. Ainsi, par exemple, lorsque nous étions mômes, nous avons tous été victimes du complexe d'Œdipe. Autrement dit, il y a longtemps déjà, tu as forcément ressenti une attirance sexuelle pour ta maman. En général, tu t'en sors assez rapidement. Oui, sauf que certains, même à l'âge adulte, ne parviennent pas à s'émanciper de cette emprise maternelle. Et du coup, comment te dire, ils sont en boucle. Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Eh oui, nombreux sont les hommes finalement qui cherchent à reproduire avec leur femme l'amour qu'ils ont partagé avec maman. Cela dit, il arrive aussi parfois que le complexe d'Œdipe provoque d'autres troubles psychiques. Maman a si souvent dit à son fils qu'il était le plus beau et le plus fort que certains en restent persuadés. Ces individus développent un orgueil excessif, on dit alors qu'ils sont atteints de mégalomanie et imposent un rapport très particulier au monde qui les entoure. Aimez-moi à genoux, j'en suis fou, et si ça vous fait peur, dites-vous que sans moi vous n'êtes rien du tout. c'est toujours moi que j'aime à travers vous. Voilà une névrose obsessionnelle complexe. Et dans ce même registre de l'obsession, il y a aussi celles et ceux qui sont profondément monomaniaques. En général, l'esprit de ces individus se fixe sur une activité principale ou encore sur un objet très particulier. Dans certains cas, il arrive parfois que l'activité obsessionnelle rencontre l'objet désiré. Je suis un malade du port d'Artel. Et oui, l'activité sexuelle peut constituer une névrose obsessionnelle. Cela dit, si certains possèdent un appétit sexuel frénétique, pour d'autres, l'activité sexuelle peut également être synonyme d'une névrose phobique. La libido devient alors anorexique et le sexe fait peur. Du coup, l'individu en question transfère sa sexualité vers d'autres activités très révélatrices. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement. Et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Bourrée de complexes, elle est dérangée. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Bon. Cela dit, il faut rappeler encore une fois que toutes ces névroses ne constituent aucun danger majeur pour la personnalité et la vie sociale de ces individus. Mais il faut tout de même faire attention à ne pas sombrer dans les névroses hystériques. Certains, par exemple, peuvent développer des délires paranoïaques et se rendre victimes de dédoublements de la personnalité. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde. Dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. Hello, Dr. Jekyll. Il n'y a plus de Dr. Jekyll. Hello, Dr. Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll. La schizophrénie n'est plus du ressort de la psychanalyse, mais bien entendu de la psychiatrie. Alors, nous voilà arrivés à mi-parcours de notre exploration et pour enrichir notre regard sur le monde de la psychanalyse, nous avons joint cette semaine au téléphone un fameux producteur de télévision, un journaliste qui a accouché sur son divan les âmes de nombreuses célébrités. Cet homme, c'est Henri Chapier. Pour commencer, nous lui avons demandé comment lui était venue cette idée du divan à la télévision. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Je suis arrivé à cette idée de fausse séance de psy parce que dès mon jeune âge, je m'intéressais beaucoup à ça. Mon enfance, une partie de mon enfance s'est passée à Vienne. Et Vienne, à l'époque, je suis quand même né dans les années 30. Et c'était vraiment, les gens étaient férus de psychanalyse, notamment ma mère. Et j'avais remarqué que dans la bibliothèque, je ne pouvais pas tellement accéder, il y avait une serrure, une clé. J'ai un peu fracassé, je tombe sur les 5 leçons sur la psychanalyse de Freud. Mais à l'époque, écoutez, j'avais presque 13 ans, pas tout à fait. J'ai survolé ça, je n'ai pas compris évidemment grand-chose. Mais j'y suis revenu plus tard. Et puis tout autour de nous, dans la famille, les gens en parlaient. Et il a fallu du temps pour que remonte ce souvenir-là et pour que je me dise finalement, voilà un concept d'émission. Après tout, je fais tard, mais je le fais. Voilà. Et vous avez eu raison, puisque cette émission fut un véritable succès. Mais dites-nous, Henri Chapier, comment est-ce que vous pourriez définir cette émission aujourd'hui ? C'était quoi exactement le divan ? Évidemment, divan ne ressemble pas à une vraie séance dans la mesure où le psy écoute et sur une heure de temps, il va dire 3 mots. alors que moi, j'avais quand même des questions à poser, bien sûr. Mais disons que j'ai essayé de mettre tous les atouts de mon côté en demandant à l'invité d'accepter cette position qui n'est pas très facile, si vous voulez. Dans la vie même, lorsque quelqu'un vous parle et qu'il est derrière vous, vous éprouvez un petit malaise. Vous lui dites, mais non, attends, je ne te vois pas. On a besoin, quand on parle, de plonger dans le regard de l'autre. Or là, il y avait devant eux une caméra. Il y avait juste la petite lumière rouge qui indiquait où elle était, car en plus, l'émission n'était pas irriguée de lumière comme c'est le cas aujourd'hui, si vous voulez. Mm-hmm. Il fallait donc arriver à ça, à créer un climat propice, non pas ce qu'on a souvent dit, confidence à vœux, non. Non, je ne cherchais pas des choses de la vie privée, moi je cherchais des convictions profondes, des orientations d'une vie, les clés d'une réussite, voilà ce que je cherchais. Oui. C'était Henri Chapier, où la panique au mange un palace. Listen to this song. I was tall, I was strong, when I had to go. Went to the tropics, beneath the Capricorn. My captain said you have a cancer of the lungs. They say a man smoke tobacco, say a man smoke tobacco, say a man smoke tobacco, it's a divine holocaust. They say a man smoke tobacco, say a man smoke tobacco, say a man. Smoke, but you talk and talk and talk and talk, and you never have a look at the clouds. You see in heaven, angels smoke too. They do get bored, baby, like me, like you. And if it's not stress, I guess it must be happiness that make them sing those loveliest ways. I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. I was born to die of cancer. No matter if I smoke, I was raised, I was oppressed, I feel pain, I feel dread. I was born to die of cancer. No matter if I smoke. Marlboro, Marlboro Lights, Daniel Gold, Lucky Strike, Camel Bling, Craven Age. Was blown. That's a matches. Oh, you tell me it's suicide. It's true, we don't have so much time to start a cure of this intoxication. But it's so hard to be a model, to be a careful with your health. I'm not a sportsman after all, cult of the body. Destroy the soul. Yeah, the soul. I Was Born a Cancer chante cette année le groupe Jack the Ripper, autrement dit Jack l'Éventreur, personnage psychopathe qui, sans doute, aurait eu besoin d'une bonne psychanalyse, voire carrément d'un internement psychiatrique. Alors, pour poursuivre notre voyage sur la planète des psys, après avoir détaillé quelques névroses, il est temps maintenant, à 11h33, de nous intéresser à un domaine très particulier de la psychanalyse, à savoir le monde parallèle des rêves, autrement dit de l'univers onirique. Le rêve jouait un rôle capital dans toutes les sociétés primitives. Le rêve fascinait puisqu'on lui attribuait des vertus prémonitoires, à savoir la chasse ou la pêche seront-elles fructueuses. Mais au XIIe siècle, l'Église décida d'interdire l'étude des rêves, leur contenu fut alors considéré comme diabolique et les individus soupçonnés d'avoir de telles activités furent dénoncés, torturés et parfois brûlés vifs. De la même manière, le code pénal de Napoléon interdit explicitement d'exercer le métier d'expliquer, de deviner ou de pronostiquer les songes. C'est hallucinant. Heureusement, c'est alors que l'ami Sigmund Freud se pointe et publie en 1900 un ouvrage référence, L'interprétation des rêves, qui réhabilite enfin le rêve comme un phénomène psychique essentiel dans la compréhension des désirs refoulés chez l'homme. Le mieux, c'est d'écouter le docteur Edwards, chez Alfred Hitchcock, nous expliquer l'importance du rêve dans une psychanalyse. Donc c'est ici que le rêve intervient. Il relate les faits qu'on essaie de tenir secrets. Mais ce qu'il raconte est tout emmêlé comme les pièces d'un puzzle sortant de la boîte. Le problème qui se pose à l'analyste est d'examiner le puzzle, de remettre les pièces dérangées à leur vraie place et de démêler dans cet imbroglio l'intention réelle qu'il signifiait. Certes, il faut parfois remettre en place les éléments d'un rêve pour mieux le comprendre. Cela dit, il arrive aussi que certains rêves nocturnes soient tout à fait clairs et ne réclament aucune explication supplémentaire. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent, alors là, le message me paraît clair, non? Mais bon, en général, l'interprétation des rêves est beaucoup plus complexe. En réalité, le rêve, c'est une expression de notre nature instinctive. Par exemple, une jeune femme qui poursuit de longues études et qui rêve régulièrement qu'elle perd ses dents, si si, ça existe, doit comprendre en fait que sa nature profonde et instinctive, en particulier son désir maternel, se trouve pour l'instant fortement contrarié. Ainsi, ce rêve indique à cette jeune femme que son mode de vie fait obstacle à d'autres besoins physiologiques et psychiques fondamentaux chez elle. Alors, toujours selon Freud, les pulsions psychiques incompatibles sont refoulées dès la petite enfance. Et plus tard, dans notre vie, ces désirs refoulés tentent de remonter à la surface et se manifestent à nouveau à notre conscience pendant les phases de sommeil. Et les images réelles de la journée vécue, qui précède le sommeil, fournissent à ces désirs refoulés un déguisement parfait qui les rend méconnaissables pendant le rêve. Cela dit, si un rêve devient régulier et obsessionnel, il faut consulter pour percer son mystère. Il faut voir un psychanalyste. Tu cries papa toutes les nuits. À ton âge, c'est un peu triste. Si tu dois crier ça toute ta vie. La nuit j'ai peur, j'ai des angoisses. Je vois des serpents et des camions. Je me regarde dans la glace. Je n'y vois que des bulles et des ronds. Alors, c'est vrai qu'entre les serpents, les camions, ton père et tout le reste, l'analyse des rêves, c'est une science très compliquée. Du coup, pour être au point sur l'inconscient, il n'y a pas d'autre solution que de se replonger dans la littérature des grands psychanalystes. Par exemple, je ne sais pas, mais tu peux commencer par relire Freud. Alors si j'ai bien tout compris, parce que j'ai tout lu Freud. De la main gauche donc. Si j'ai bien tout compris, le monde aurait deux problèmes d'importance. Que un serait le cul et que l'autre serait le fric. Moi, je me suis dit, comme tout le monde a un cul, je vais m'occuper du fric. Erreur grave. Parce qu'en fait, le plus grave problème, c'est le cul. Le cul, c'est mal. Alors en plus, c'est formidable l'époque qu'on vit, parce que maintenant, on a des idées sur les mœurs à peu près là, vous voyez. Et par contre, on a des pratiques à peu près là. Alors maintenant, t'as des gonzesses qui arrivent. Mini-jupe que tu croirais elles ont plein air. Libéré, tout ça. Toi, t'as les yeux ébouriffés. T'es prêt à lui monter au rideau. Déjà, elle te regarde, rien qu'avec les yeux, elle t'arrache la chemise. Et alors, on parle de cul, tout est normal, ouais, tout ça. Mais tu peux pas toucher, t'es dans ton slip, couilles croisées de Playtex. Ça fait rien, laissez, je vais me la mettre sur l'oreille, je la fumerai tout à l'heure. Et pour ça, mesdemoiselles, je voudrais rappeler la grande phrase de Confucius, qui avait dit très justement « compromis, chose due ». Ainsi, après avoir redécouvert Freud, tu peux en effet relire Confucius. Cela dit, pour en revenir au rêve, certains individus, très angoissés à l'idée de penser que leur inconscient puisse prendre le pouvoir pendant leur sommeil, refusent catégoriquement de s'endormir par peur sans doute de devoir affronter leurs désirs refoulés. Du coup, leurs nuits deviennent interminables. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Eh oui, confronté à ces patients particuliers, victimes de l'insomnie et qui de ce fait sont malheureusement privés de leurs rêves, en général, les plus grands psychanalystes n'ont qu'un seul conseil à leur donner, un conseil plein de bon sens. Éteins la lumière et montre-moi ton côté sombre, puisqu'en effet, un être humain a besoin de laisser exprimer dans ses rêves ses désirs les plus enfouis. Le rêve revêt alors une vertu de soupape face à la multitude des frustrations quotidiennes, parce que dans les rêves, ce qui nous vient de loin. Ce qui... Parle-moi, Jean-Louis Aubert, dans l'album Idéal Standard, parce que de Sigmund à Anna, de Lacan à Dolto, le standard idéal de la psychanalyse, c'est bien sûr Parle-moi. Alors, pour poursuivre notre introspection dans l'univers des psychanalystes, il est grand temps maintenant, à 11h44, de retrouver, allongés sur le divan, nos deux héros à l'inconscient si prolixe, les formidables Monique et Jean-Claude, qui, il y a peu, ont eu affaire à un disciple de Freud. Mercredi dernier, Monique est en train de faire les soldes en achetant, soit dit en passant, du 38 alors qu'elle fait du 42, persuadée qu'elle va réussir à maigrir. Quand soudain, elle fut prise d'un sentiment étrange, une sorte d'angoisse existentielle, un mal-être global. Monique rentre alors précipitamment chez elle. Elle en est certaine, elle souffre de la dépression, la maladie du siècle. Elle le sait, car elle est abonnée à Femme Actuelle et à Psychologie Magazine. Monique, elle se sent toute perdue. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Oui, elle le sent bien, Monique. La dépression est en train de la gagner. Il faut qu'elle aille d'urgence consulter, mais elle hésite. Lui faut-il un psychiatre, un psychothérapeute, un psychanalyste, un ostéopathe? Elle ne sait pas trop, alors elle demande son avis à Jean-Claude, qui lui répond qu'il s'en fout, qu'il a plus urgent à faire, qu'il doit téléphoner à sa maman, comme tous les soirs. Monique, elle lui dit à Jean-Claude que c'est lui qui devrait consulter un psy. Mais pour Jean-Claude, tout va bien. J'ai beau m'analyser, pas le plus petit complexe, c'est pas tellement que ça me vexe, mais ça me rend un peu perplexe. Côté crâne, côté sexe, j'ai rien à signaler. Rien à signaler, Monique, ça la fait rire. Elle le connaît bien, le Jean-Claude, et elle sait qu'il y a un truc qui cloche chez lui. Son appétit sexuel surdimensionné. Jean-Claude, comment dire, il est parfaitement d'accord avec ça. Ça c'est les hommes, ça c'est les hommes, ouais. Oh, quelle quéquette que j'ai. Ça c'est du sop, ça c'est du sop, ouais. Pour quelques quêtes que j'ai. Ça c'est du sop, ça c'est du sop, ouais. Pour quelques quêtes que j'ai. Ça c'est du sop, ça c'est du sop, ouais. Pour quelques quêtes que j'ai. C'est magnifique. Pour Jean-Claude, il est hors de question qu'il aille voir un psy parce qu'il a une certitude. Les psys, c'est des mecs qui sont là uniquement pour te faire cracher ton blé. Gangster, touche des gangsters. Gangster, pas de mystère. Gangster, chacun son gang. Monique ne cherche même pas à lutter contre ces clichés éculés. Elle a bien plus important à faire. Il est urgent qu'elle aille consulter un psy, car son mal-être l'envahit de plus en plus. Depuis le temps que je les traîne, mes doutes, mes problèmes, ces petites choses qui me pourrissent la vie, qui me poussent à aller chez le psy-psy-canaliste, psy-psy-canaliste. Depuis le temps que j'essaye de comprendre pourquoi je triture le fond de ma cervelle 5 ou 6 fois par mois chez le psy. Aller chez le psychanalyste, ok, mais c'est toujours le même problème. Qui choisir? Comment trouver le praticien qui va le mieux répondre à ses attentes? Monique demande alors un conseil à sa meilleure amie, elle-même en analyse, et qui lui donne une adresse. Monique s'y rend, on lui a dit beaucoup de bien de l'écoute et de la disponibilité de ce psy. Mais quand elle entre dans le cabinet, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle attendait. Ah, mademoiselle, ce n'est pas possible. Le docteur ne reçoit qu'individuellement. Oh, écoutez, je connais le docteur et... Bon, déshabillez-vous. Complètement? Bah oui. Monique, elle a lu tout, Biba. Et elle sait qu'il n'est pas utile de se déshabiller chez un psy. Elle vérifie alors sur la porte. Merde, elle s'est gourée, elle est chez un proctologue. Elle s'en va, fissa. De toute façon, il n'aurait pas pu l'aider. Monique se rend alors dans un autre cabinet après avoir vérifié que c'était bien un psy. Elle s'installe sur le divan et s'apprête à raconter que rien ne va plus dans sa vie quand tout à coup, le psychanalyste lui coupe la parole. Entamons l'analyse primaire de psychologie des entrailles. Les frustrations en bande ou une guerre, la libido en éventail. Allongez-vous sur ce divan pour déballer tous vos fantasmes qui déclenchent plus l'inconscient. Mais juste un bruit. Monique se dit que tout de même, ce type, il a l'air un peu brusque. Mais bon, il faut vraiment que quelqu'un la soulage rapidement de son mal, de son angoisse terrible qui la rend si fébrile. Elle est sur le point de révéler un traumatisme de son enfance, une sombre histoire de jeu sexuel avec un lapin nain, quand soudain, le psy lui prend délicatement la main. Approche ton fauteuil du mien, des crêpes au sarrasin et du vin chaud. J'ai débranché le téléphone, la porte est verrouillée. Ce soir ne viendra plus personne, nous sommes bien cachés. Comment ça, nous sommes bien cachés? Monique, elle n'avait jamais ressenti ça depuis son lapin nain, ça la bouleverse. Cette analyse s'annonce compliquée. Elle en est certaine, elle est en train de faire un transfert, elle le sait, elle a lu un article dans Elle. Monique pense qu'il est plus prudent d'écourter la consultation, elle paie rapidement et sort du cabinet. Elle est perdue, son mal-être est toujours là, plus angoissant encore. Elle ne sait plus qui aller voir. Monique songe alors à son généraliste. Peut-être qu'en lui parlant, tout ira mieux. Elle téléphone donc à son médecin de famille pour prendre rendez-vous. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Non, elle n'a pas peur, Monique. Elle le connaît depuis qu'elle est môme, ce toubib. Il va pouvoir l'aider à trouver le traumatisme de son enfance, sans doute à l'origine de son mal-être actuel. Dans le cabinet du médecin, Monique, qui se sent de moins en moins bien, expose tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qui ne va pas. Au bout de ma fenêtre, le soleil se reflète sur les toits, et pourtant j'ai froid, et pourtant j'ai froid. Je me sens perdu, mon lit est grand comme un désert, et dans mon cœur sont revenus les jours d'hiver. Elle a froid et mal au cœur. Le médecin a rapidement fait son diagnostic. Le mal-être de Monique, c'est simplement une gastro-entérite. Et contre la gastro, il faut juste qu'elle évite la salade et qu'elle mange du riz. Demain, tout ira mieux. Fin de l'histoire. Monique, comme elle est quand même soulagée. Choper une gastro, c'est moins grave que la schizophrénie. Elle aurait pu se prendre pour une mouche, par exemple. Je suis cette mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tirer d'elle sur ses lèvres. Moi j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler sur ses lèvres. Moi j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posez-la sur ma bouche, demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme c'est joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. Moi j'avais déposé le coudeau des plus doux baisers sur ses lèvres. Moi d'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi, je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais les femmes, moi, je ne m'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. Une mouche posée sur sa bouche. Je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin sur ses lèvres. Moi je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais des fois moi je ne m'étais pas méfié. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. C'est vraiment bête à tuer. Une mouche, c'est vraiment bête à tuer. À La Mouche, chantée par le facétieux et génial Michel Polnareff en 1971, parce qu'il arrive souvent que lorsqu'on te conseille d'aller voir un psy, eh bien, que tu prennes La Mouche. Arrête, je suis pas fou. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration de l'univers psychanalytique. Du complexe d'Œdipe à « Maman, je t'aime », de Sigmund Freud à Woody Allen, du divan en cuir à l'interprétation des rêves, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être la psychanalyse. En résumé, la psychanalyse, c'est une méthode d'investigation psychologique qui cherche à élucider la signification inconsciente des conduites chez l'être humain, et dont le fondement se trouve dans la théorie de la vie psychique formulée par Freud il y a tout juste un siècle. La psychanalyse, c'est surtout apprendre à mieux se connaître soi-même pour aller mieux avec les autres. Alors, en général, si tout se passe bien, l'analyse, une fois terminée, autrement dit, 10 ans plus tard, ben, comment dire, c'est vrai que tu te sens beaucoup mieux. Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde, le nombril, la lune aussi est le nombril du monde. La lune aussi est le nombril du monde. Alors, pour terminer, si tu as maintenant le désir d'entamer une analyse, la panique au Mangin Palace a repéré pour toi quelques excellents psychanalystes qui viennent à domicile et que nous allons te présenter immédiatement. Pour commencer, si tu souffres de mégalomanie, tu peux choisir le gros divan rouge de Michel Sigmund Drucker. Tu y seras toujours très bien accueilli. Ambiance feutrée, un peu vieille France, Michel a toujours une oreille attentive, beaucoup d'expérience et surtout, rassure-toi, tu n'en sortiras jamais en pleurs mais plutôt le cœur et l'ego flatté. Ensuite, si tu as des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs, tu peux zapper sur un garçon propre sur lui, Jean-Sigmund Delarue, qui, jour après jour, t'écoutera. Parce qu'avec lui, même tes perversions les plus trash, ça se discute. Mais bon, attention, on te prévient tout de suite, la consultation est très chère. Et puis, pour ceux qui ont encore des problèmes d'Œdipe, il y a Mireille Sigmund Dumas. Avec Mireille, pas de détour, c'est la psychanalyse de comptoir, l'introspection à la bonne franquette, bas les masques, tu déballes tout pour pas cher. Et enfin, si tu as de légères tendances schizophrènes, tu peux toujours aller faire un tour dans l'hypnotique émission Vie ma vie. Laurence Sigmund Ferrari te proposera par exemple, si tu es anorexique, de devenir pour la vie critique gastronomique. Ou encore, si tu as la phobie de l'injustice, de devenir juge d'instruction à outreau. Ou enfin, si tu as des tendances masochistes, d'être invité chez Michel Sigmund Drucker. Et oui, la télévision, c'est devenu sans aucun doute le plus grand divan du monde où toutes les confidences sont devenues un énorme business. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est donc Jean Ferrat qui clôture cette semaine cette émission. Voilà, fin du 20e épisode, c'était « C'est quoi la psychanalyse ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure totale foutraque et archi loufoque. Nous partons au sport d'hiver. C'était « Panique au Mangin Palace », celui à Diomix, ça a été coécrit « Les doigts dans la prise » avec Xavier Mauduit, un ami précieux, merci à lui. Au platine, au montage, il y avait bien sûr Maître Yoda, le réalisateur H2M, le génial Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Serge Viguier et de Mathias Alléon. Merci beaucoup aussi à Amel Caldi, à Thierry Dupin pour les Scuds, à Catherine Pinto, notre stagiaire jeune efficace. Et enfin aussi, merci beaucoup à vous tous, nous avons eu des sondages en début de semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à venir nous écouter le dimanche dimanche matin. Toute l'équipe est très heureuse et sincèrement, nous tenterons de continuer à vous faire plaisir. Voilà, pour toutes les infos complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, Patricia Martin, on y va, Marco. C'est